Minute. Merde, ils baissent leur contact. Ils vont garder le fric à la dope. Non, regarde le faucon blindé, là. Merde, c'est un casse. Appelle le 113. Y'a un braquage au magasin Zodis. Attends.